quelques questions. Veux-tu m'expliquer ce qu'est la Gapta et la Shambhala? Merci, Carole. Ah, Carole, j'expliquerai pas trop ce que c'est. Je vais t'expliquer en tout moins ce qu'on... pour que tu saches quand on parle de ça, de quoi on parle. Mais, ben, c'est ça. On va t'expliquer ce que je veux, puis après ça, ben là, le reste, là. Shambhala et la Gapta, c'est deux endroits géographiques qui sont placés sur la planète Terre et qui ont une évolution terrestre, disons planétaire, de beaucoup supérieure au reste de la matière terrestre planétaire. Ce que je veux dire par là, c'est comme par exemple, si on regarde l'évolution karmique, ou c'est-à-dire l'état vibratoire de l'Inde par rapport à l'état vibratoire des États-Unis, bien évidemment, les États-Unis ont une vibration énormément plus haute que l'Inde, qui est un pays fini. Si on regarde, par exemple, tous les endroits où se sont passées des grandes guerres, bien automatiquement, les pays où il n'y a pas eu de guerre, ou presque pas de guerre, bien c'est des pays qui vont être hautement plus évolués. Et sur la planète Terre, les endroits qui n'ont jamais été touchés par des tremblements de terre, par des séismes, des endroits qui n'ont jamais connu de guerre, qui n'ont jamais connu de haine, bien il n'y en a à peu près pas, puis il y en a à peu près 4 ou 5, dont 2 qui sont connus sous le terme Agartha et l'autre Shambhala. Les 2 sont situés dans des endroits froids, du moins extérieurement, dont une dans les Himalayas, près de Katmandou, mais du côté tibétain de la montagne, mais en longitude. Et l'autre qui est situé pas tout à fait au pôle Nord, mais disons qu'il y a des entrées dans la région du pôle Nord, puis le reste est situé sous terre, un petit peu vers le sud. Ces endroits-là, c'est des endroits géographiques, et c'est à l'intérieur de ça, donc dans ces endroits-là, dans ces maisons-là, dans ces immenses places-là, que seraient attirées par attraction vibratoire toutes les entités, autant en termes d'esprit que les entités qui sont arrivées à une certaine maîtrise de leur propre phénomène évolutif. C'est dans ces endroits-là qu'ils vont être attirés. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'il y aurait 12-13, mais là, on est rendu à presque 14-15. Je dis les chiffres pour faire plaisir, là, mais... Mais il y a quand même une bonne organisation dans ces 14-15-là, Daniel. Il y en a un qui s'occupe de politique, il y en a un qui s'occupe de ci, il y en a un qui s'occupe de ça. Ils ont certainement... Ils vivent pas tous dans la Gapta, ceux-là, surtout ceux qui s'occupent de politique. Non? Non. Ils font partie de ce qu'on peut appeler les maîtres du monde, mais ceux qui vont rester au niveau de la Gapta ou de Shambhala, c'est différent. Maintenant, dans ces endroits-là, certains individus peuvent être amenés là, appelés là, pour pouvoir passer certaines formes d'initiation ou d'apprentissage. Des individus qui sont prêts et qui vont être prêts, pas psychologiquement, qui vont être prêts sur tous les plans et qui vont avoir justement prouvé à qui, à personne. Puis je parle prouvé, c'est-à-dire qu'ils vont avoir vécu des événements et qu'ils vont avoir surmonté certaines formes d'événements pour après ça être admis là. Alors ce qui fait que disons que Shambhala et Lagartha, en termes ésotériques, ça serait le lieu où résident les maîtres du monde. Plus que ça, on tombe dans spéculation spirituelle pour tout le monde. J'aimerais que tu ailles plus loin quant à ce que l'on ressent, chaleur, picotement, lors du voyage astral. Merci, Lucie. Ah ah! Bon. Ben, c'est pas à moi d'aller plus loin, c'est à ceux qui font le voyage astral. Mais ce qu'on ressent, ben, c'est simple. L'homme a une entité physique qu'on connaît bien. Cette entité physique-là, elle est reliée ensemble par un schéma énergétique qu'en ésotérisme, on appelle le corps vital, anciennement le corps éthérique. Bon, en termes d'étymologie. Aujourd'hui, le corps éthérique, ça sert à désigner d'autres choses, mais anciennement, c'était ça. Ce corps vital-là, c'est aussi la vie, mais la vie dans le corps physique humain, c'est une vie qui se répercute de différentes façons. Et puis, c'est ce centre d'énergie vital-là qui est focalisé surtout au niveau du centre d'énergie Mooladhara, c'est-à-dire à la base de l'épine dorsale, qui va être, par exemple, quand il va se faire stimuler, c'est-à-dire que quand toute l'énergie vitale, humaine, physique, réussit à dépasser la dose normalement demandée pour que le corps physique reste aggloméré et que pour le corps physique soit en forme, donc pleine de vitalité, Bien, à un moment donné, l'excès d'énergie vitale accumulée, l'énergie vitale, elle est de deux ordres, une énergie vitale de type tellurique et une énergie vitale de type solaire, et ces deux-là sont récupérables, l'une par la nourriture et l'autre par le sommeil. Alors, quand on arrive à un excès d'énergie vitale, on commence lentement à focaliser cet excès-là dans des endroits typiques du corps qui vont être en relation avec notre système endocrinien. Alors, le premier endroit où cette énergie-là est focalisée, ça va être au niveau de la base de la colonne vertébrale en termes de vitalité, et on va avoir comme répercussion physique une augmentation d'énergie au niveau des glandes sexuelles des hommes et des femmes. Alors, quand d'ailleurs, le tantrisme vient de cette énergie-là, c'est-à-dire que l'énergie qu'on réussit à focaliser au niveau du Mooladhara, donc du chakra qui est à la base de l'épine dorsale, bien, si on réussit à en accumuler suffisamment, on est capable de le faire monter sur le long de la colonne vertébrale pour aller réveiller les autres chakras. Mais ça encore, c'est pas quelque chose qui est réellement efficace. Bien, du moins, c'est plus efficace aujourd'hui parce que l'étape, le niveau vibratoire ou le tantrisme, où ces formes d'exercice-là peuvent amener l'homme, bien, vous l'avez déjà toutes sans expérience. C'est la génétique qui vous l'a amené. Maintenant, si on réussit à accumuler suffisamment d'énergie vitale dans cet endroit-là, lentement et tout seul, l'énergie vitale va circuler à travers le corps. Premièrement, cette énergie vitale-là circule déjà seule à travers le corps par les méridiens d'énergie qui sont connus sous le terme méridien yin et yang en termes d'acupuncture, et par certaines autres formes de canalisation qui vont être de type physique, comme par exemple le système nerveux ou surtout le système de la colonne vertébrale. Les méridiens énergétiques sont les méridiens qu'on se sert en acupuncture, les méridiens qui n'existent pas quand le corps est mort. Alors c'est pourquoi que la médecine occidentale n'a jamais découvert ces méridiens-là, parce qu'elle étudiait des corps morts, elle les disséquait, et vu que c'est des choses qui ont rapport à l'énergie vitale, donc à la vie, quand la vie se retire, bien, ces canaux-là disparaissent aussi. Si on focalise de plus en plus cette énergie vitale-là d'une façon logique, bien, lentement, en circulant, c'est pas dans la colonne, sur des vaisseaux d'énergie qui sont périphériques à la colonne vertébrale, vaisseaux qui disparaissent aussi à la mort. Alors, cette énergie-là va lentement remplir d'autres centres d'énergie qui sont au nombre de 63, mais les principaux centres d'énergie, c'est des centres d'énergie qui vont être placés approximativement en longitude avec la colonne vertébrale, mais pas sur la colonne vertébrale. Alors, ce qui fait qu'on a 7 centres d'énergie principaux. Quand on fait des voyages astraux, les techniques que moi j'ai montrées, c'est des techniques qui vont amener l'individu, premièrement, à promouvoir un déplacement d'énergie vitale et qui vont donc automatiquement engendrer des perceptions de cette énergie-là. La perception d'énergie vitale, le surplus d'énergie vitale va se faire dans une vitalité, un enfant va avoir plus d'énergie vitale en circulation qu'un adulte, parce que l'énergie qui circule n'est pas focalisée dans aucun centre d'énergie qui va être typique. Alors, dans l'énergie Mooladhara, par exemple, dans le centre, dans ce chakra-là, l'énergie de l'enfant ne sera pas focalisée là. Ce qui fait qu'en termes de sexualité, ben, tant qu'il ne sera pas rendu à une certaine phase où on a moins besoin de l'énergie vitale pour le conserver, alors tant qu'il ne sera pas rendu à cette phase-là, il n'y aura pas de vie sexuelle parce que l'énergie n'ira pas se focaliser à cet endroit-là pour lentement donner une répercussion dans le domaine de la matière au niveau des glandes sexuelles. L'individu même qui évolue normalement, ben, laisse par certaines techniques, dont certaines techniques qu'on a employées pour le voyage astral, mais qui vont servir à développer immensément le mental, quand on va perfectionner ces techniques-là prochainement, ces techniques-là, qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'elles obligent l'énergie vitale à circuler plus facilement à l'intérieur du corps, donc elles vont opérer certaines formes de guérison. Et ça, on les a pratiqués en termes de voyage astral, simplement pour que les sens astrales de l'homme finissent, parce qu'on sait que tous les sens de l'astral sont les sens physiques sont des tentacules de l'astral, des tentacules de la psychologie mémorielle, qu'elle s'est bâtie elle-même pour avoir de nouvelles informations, pour pouvoir emmagasiner encore plus d'expérience, donc pour se rassurer. Et si on réussit à donner à cette psychologie-là, qui, elle, nous empêche justement d'avancer, l'idée ou la sensation qu'il existe en nous une autre forme de corps, parce que le voyage astral ne se fait pas par un corps, il se fait par une extra-conscientisation, conscience astrale, mais si ça, c'est pas perçu ou c'est pas reconnu comme étant vrai par la psychologie de l'homme, ben il va l'empêcher. Un individu qui croit qu'il doit être malade va finir par être malade. Si on réussit à le convaincre qu'il devrait absolument être en santé, ben on peut commencer une cure. Sinon, c'est très compliqué. Hein? Obliger quelqu'un à être en santé, là, c'est très compliqué. Alors, ce qui va arriver, c'est que par ces techniques-là, on accélère la circulation énergétique vitale et ça va se répercuter par des malaises, disons, bénins, comme des picotements, des chaleurs, des engourdissements aussi. Ça peut aller jusqu'à des bourdonnements puis d'autres phénomènes. Bon, alors, ça, c'est simplement l'énergie vitale qui est focalisée et qu'on oblige à sortir pour pouvoir radier au niveau de l'homme. Ce qui arrive présentement, c'est que dans l'Antiquité, l'homme, pour arriver à connaître, à avoir des contacts avec des énergies qu'on appelle supérieures, supérieures parce qu'ils vibrent supérieurement, bien, l'homme devait hausser son taux vibratoire, donc prendre une énergie qu'il avait en lui, qui était localisée au niveau du Mooladhara, une fois que l'homme devient adulte, c'est-à-dire une fois qu'il a une vie sexuelle permise, physiquement, et on devait faire monter cette énergie-là jusqu'au cerveau, donc jusqu'au centre de la conscience permanente, disons, si on prend les termes hindous, et à partir de là, l'homme avait contact avec des énergies supérieures. Mais vous autres, vous avez toutes déjà la capacité d'avoir un contact avec des énergies supérieures parce que, évoluant génétiquement parlant, vos corps laissent circuler cette énergie-là. Donc, on n'a plus besoin de focaliser l'énergie vitale comme on le faisait avant dans ces centres d'énergie-là. Alors, ce qu'on doit faire surtout, c'est forcer cette énergie vitale-là à rejaillir en nous comme si on était des enfants. Donc, à rejaillir sans être focalisé nulle part, ce qui veut dire circuler librement dans l'homme pour conserver à l'homme un corps physique, disons, éternel. Mais là, éternel, on s'en fout pour l'instant. Alors, ce qui va arriver simplement, c'est ça. C'est que si l'énergie du bas arrive en haut, par après, l'énergie du haut peut descendre dans l'homme. Et présentement, l'évolution prochaine de l'homme va se faire par une énergie qui descend d'en haut et non plus l'énergie qui vient d'en bas. Alors, on a une forme de vitalité qui nous vient du soleil. On a une forme de vitalité qui nous vient de la planète Terre, la vitalité d'ordre tellurique. Et ces deux formes d'énergie-là circulant, disons que si on parle d'acupuncture, on peut aussi dire une énergie yin froide, une énergie yang chaude. Hein? Alors le sol, c'est froid, le soleil, disons, c'est chaud, l'énergie tellurique et l'énergie solaire. En refaisant circuler ça, ben, non seulement on oblige notre corps mental, de toute façon, ceux qui ont fait les techniques ont pu constater que bon, le cerveau travaille d'une manière absolument différente quand on fait ça. Il y a quelque chose dans le cerveau qui vient masser le cerveau. Hein? On a fait une nouvelle technique avec dernièrement en ce qui concerne la colonne vertébrale. Et puis, certains individus ont pu constater qu'il y avait comme d'un brûlement au niveau de la colonne vertébrale. Bon, c'est simplement de l'énergie vitale qui est forcée à circuler parce que ordonnée par un mental qui, même encore s'il ne sait pas ce qu'il fait, peut par une technique. Et puis une technique, à un moment donné, je le répète, c'est une affaire qui est bon jusqu'à temps que ça nuit. Alors, disons que pour l'instant, on peut s'en servir, mais il faut toujours penser qu'à un moment donné, il va falloir qu'on s'en débarrasse. Alors, le mental, ne sachant pas ce qu'il fait, par une technique, peut quand même obtenir un résultat. Alors, ces picotements-là et tout ça, c'est simplement une... On puise dans nos chakras, dans nos centres d'énergie principaux, donc nos 7 centres d'énergie principaux, et on oblige cette énergie-là à circuler librement dans l'homme. Ce qu'elle devrait toujours faire... quand elle a été focalisée. L'énergie circule librement comme une folle. On la focalise dans des centres d'énergie. Bon, une fois qu'elle est focalisée, elle construit des réceptacles et elle arrête de circuler en fou, donc elle peut s'accumuler suffisamment. Et une fois qu'elle est accumulée suffisamment, on se doit de la relaisser circuler librement. Parce qu'elle est devenue intelligente par ce phénomène-là. Quand on dit intelligente, il faut s'entendre. Une intelligence vitale, donc, qui est plus aberrée encore que l'astral. Ça n'a aucun rapport avec l'intelligence mentale. Mais ça, vous ne devez pas réussir avant de la libérer à l'accumuler. Votre génétique l'a accumulée. Alors, présentement, le travail de l'homme va être surtout de ne pas la gaspiller, comme on a déjà expliqué, mais va être de la libérer dans son corps pour qu'elle circule librement, pour pouvoir rajeunir, c'est-à-dire pour pouvoir entretenir la vie comme elle est. Les cellules ont une mémoire génétique. Elles se reproduisent identiquement. Mais il vient un moment donné où ce que l'identité ou la reproduction identique des cellules est faussée. Elle n'est plus vraie. Alors, il y a un décrépissement, c'est-à-dire qu'il y a un vieillissement. Mais ce vieillissement-là, il est causé par l'énergie vitale qui ne circule plus suffisamment dans l'être humain pour donner la force à la cellule pour pouvoir se recréer d'une façon identique. Alors, ce qui fait que la cellule qui a une énergie vitale, disons, d'ordre 10, quand elle se sépare en deux, elles ont chacun une énergie vitale d'ordre 5, donc vieillissement. Et dans un enfant, l'énergie vitale qui n'est pas focalisée nulle part au niveau d'un centre d'énergie, bien, quand la cellule se divise, elle a une énergie vitale 10, elle se divise en deux, et automatiquement, leur taux 5 est rehaussé à 10, ce qui fait que tu as deux cellules parfaitement jeunes, donc parfaitement viables, parfaitement normales. Mais il y a un moment donné où ce que, dans l'évolution de l'homme, et c'est incontrôlé encore par l'homme, parce que l'homme ne contrôle pas son système endocrinien, qui est le maître de ses maladies, de sa santé physique, et qui est aussi le maître de toute son évolution complète. On a une glande, la glande pinéale, par exemple, que même la médecine n'arrive pas à savoir à quoi elle sert. On a l'hypophyse, qu'on devine à quoi elle sert. L'épiphyse, c'est la glande pinéale, qui est donc la glande qu'on ignore justement l'utilité. Et il y a différentes glandes qui vont sécréter différentes substances dans l'homme, qui vont manipuler l'homme. Si vous avez peur, c'est votre astral qui a peur, et automatiquement, ça engendre dans les glandes surrénales une sécrétion de catécholamine, qui va être l'adrénaline, qui va être l'hyperadrénaline, qui va être la dopamine, puis des choses comme ça, il y en a quatre, qui vont accélérer votre rythme cardiaque, qui vont causer une vasodilatation périphérique par après une vasocontraction, qui vont causer un million de phénomènes qui vont simplement causer, qui vont donner l'effet que vous autres, qui avez eu peur psychologiquement, vous allez transmettre votre peur physiquement. Alors, si on est capable de contrôler l'accélération cardiaque en ayant peur, puis on est capable de contrôler une hypersudation en ayant peur, bien on est capable donc, par notre psychologie astrale, de contrôler tout notre système endocrinien, donc de contrôler tout notre corps au complet. Mais vu qu'on le contrôle, mais d'une façon absolument hyper désordonnée, bien on en est malade, on a peur, on transpire, on n'est plus efficace. Alors, ce qui va arriver à un moment donné, c'est que toute l'énergie vitale qui est accumulée dans la colonne vertébrale, bon, chez l'enfant, elle se promène librement, non contrôlée, exactement comme tout votre système endocrinien n'est pas contrôlé, même si vous le contrôlez d'une façon incontrôlée, c'est-à-dire inconsciente. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, cette énergie vitale-là, qui est focalisée dans votre corps, dans votre colonne vertébrale, ou du moins dans vos centres d'énergie, bien, ces énergies-là, on va devoir leur permettre de recirculer librement à l'intérieur du corps humain pour permettre à ce corps-là de rester jeune, pour permettre à l'individu de poursuivre son expérience ad vitam aeternam, disons pour l'instant, là. Alors, les picotements qu'on reçoit, puis toutes ces choses-là, c'est juste un minuscule début de découverte qu'on a effectivement à l'intérieur de nous d'autres genres d'énergie que la matière. Alors, ce qui fait que l'homme, lentement, peut finir par découvrir un peu qu'est-ce que c'est quand on parle d'énergie. C'est pas suffisant encore, c'est pas encore rendu au niveau du mental, mais c'est un début. Alors, ce qui fait que, bon, pour expliquer simplement ce qui se passe, les picotements, la chaleur et tout ça, c'est qu'à partir de la technique, ça stimule une hyper-circulation d'énergie vitale qui est perçue par les tentacules de l'astral comme les picotements, la chaleur, du froid, des engourdissements, des douleurs encore dépendantes, des bourdonnements, des choses comme ça. Et ça, c'est simplement une symptomologie, OK? Simplement un symptôme d'une circulation libre de l'énergie vitale. Et ça, il va falloir à un moment donné qu'on pousse ça à un summum extrême, c'est-à-dire qu'on soit capable de laisser cette énergie-là circuler totalement en nous, mais sans la gaspiller, c'est-à-dire que l'énergie vitale doit circuler dans le corps physique, mais ne jamais être absorbée par l'énergie astrale pour qu'elle puisse s'exprimer. Alors, quand on est en colère, bien, on brûle de l'énergie physique, on brûle de l'énergie vitale pour exprimer une énergie astrale. Bien, c'est ça qu'il ne faut pas faire à un moment donné. Alors, c'est simplement ça, les picotements. Réponse simple, là, mais... Est-ce que les saisons, automne, hiver, jouent... Du piano? Sur l'involution, exemple, des primes. Bon, premièrement, c'est évident que les saisons ont une relation directe avec l'énergie vitale et d'autres formes d'énergie qui sont entraînées sur la Terre, ou encore qui vont être émises par la Terre. Exemple, si vous allez dans la forêt la nuit, Bien, vous allez vous sentir différent que si vous rentrez là le jour. Je parle si vous n'avez pas peur, là, parce que c'est évident que vous avez peur de la forêt la nuit, vous allez vous sentir différent. Mais si vous n'avez pas peur, l'énergie tellurique émise par le sol est complètement écrasée par l'énergie solaire le jour. Alors, ce qui fait que la nuit, l'énergie tellurique peut sortir plus, alors on baigne dans une énergie différente où on peut rencontrer des élémentaux plus facilement, parce que l'énergie tellurique leur permet de s'exprimer, ils ont moins peur. Si on regarde les saisons, bien, chaque saison amène sa dose d'énergie solaire qui va écraser d'une façon différente l'énergie tellurique émise par la planète Terre. Donc, automatiquement, ça donne une concentration différente. Alors, on peut dire que l'été, on a un vital d'un type particulier, qui est plus solaire, et l'hiver, on a un vital d'un type particulier qui va être plus tellurique. Et on a la tangente entre les deux, c'est-à-dire que l'automne, on a de plus en plus de recrudescence tellurique, et l'homme doit se réhabituer à ça. Et quand l'homme se réhabitue à ces changements d'énergie-là, automatiquement, l'homme perd de l'énergie, l'homme en gaspille, ou l'homme en récupère si, psychologiquement, l'homme adore ces saisons-là. Alors, ce qui fait que les saisons ont, évidemment, amènent certaines formes de maladies typiques, une recrudescence, par exemple, de certaines maladies au niveau de l'arthrite, vont amener différentes choses dans le genre, comme la pression atmosphérique peut en amener aussi. Et tout ce qu'il vaut, tout ce qu'il y a, c'est que ça, la déprime, puis toutes ces choses-là, c'est surtout dans l'état psychologique, c'est surtout l'état psychologique de l'individu qui va déterminer son assujettissement, donc sa manipulation par la différence de potentialisation donnée par l'énergie vitale lors du transfert de saison, donc une recrudescence tellurique ou encore une diminution tellurique, et vice-versa au niveau solaire. Alors, c'est sûr que ça a une influence sur l'homme, de même chose que la Lune, par exemple, ou que toutes les planètes, mais à un moment donné, l'homme arrête d'être assujetti aux planètes, il va diriger lui-même les planètes, comme ça, il va pouvoir faire ce qu'il va vouloir faire, ce qui va arriver, mais on ne doit pas se laisser dominer par l'énergie psychologique lors d'un transfert de saison. Puis la seule chose qui va amener ça, c'est simplement l'adaptation que l'individu doit faire. Mais comme n'importe quel apocalypse, l'individu qui n'aime pas l'hiver, un mois pendant l'été, il préfère déjà détester l'hiver. Ce qui fait que quand l'hiver arrive, c'est évident qu'il y a une immense perte d'énergie. Donc automatiquement, il va avoir un rabais. Au niveau de son schéma vibratoire, donc une dépression, une lassitude, un ennui, etc. Alors, ça joue pour l'homme. Mais plus l'homme est conscientisé, plus l'homme a augmenté son taux vibratoire, moins ça doit jouer, parce que l'homme est moins assujetti à ça. Ça devrait jouer plus pour des personnes malades, qui ont donc un taux vibratoire vital faible. Ça devrait jouer, inharmonieux s'il n'est pas faible. Ça devrait jouer chez des personnes qui ne sont pas hautement évoluées. Ça devrait jouer surtout sur ce monde-là. Nous autres, on n'est plus évolués, mais vu qu'on a une psychologie qui est maudite, c'est-à-dire qu'elle manipule d'une façon incoordonnée, automatiquement, on n'est plus assujetti à avoir des transformations avec les saisons, comme avec les lunes, puis comme aussi avec la température. Parce que ceux qui enseignent à des enfants peuvent prévoir peut-être une journée d'avance une tempête de neige l'hiver, parce que les enfants sont turbulents, puis il y a un paquet de phénomènes qui viennent se passer. Mais, disons que ce n'est pas une excuse. Est-ce que l'endroit géographique joue un rôle aussi, Daniel? Parce que des personnes qui voyagent, par exemple, comme moi, quand je prends l'avion, je vais à quelque part, j'en ai pour une journée avoir une petite grippe. Je pars de là, je voyage, ça continue. Oui, énormément. Pour la simple raison, il y a l'adaptation physique, c'est-à-dire en termes de nourriture. Il y a l'adaptation vitale, parce que les vitalités telluriques et solaires ne sont pas les mêmes partout sur la Terre. Hein, on sait qu'il y a des centres d'énergie sur la Terre, il y a des endroits, comme par exemple à Phnom en Écosse, plutôt, qui émet de l'énergie tellurique d'une façon absolument extraordinaire. On a au Québec différents centres, différents points où il y a des formes d'énergie solaire ou même extrasolaire qui peuvent descendre sur la Terre à certains moments donnés. Comme justement dernièrement, il y a une tour d'énergie qui a été construite au Québec. Alors, elle capte un peu plus d'énergie solaire, mais aussi elle capte plus d'énergie tellurique, donc l'individu qui va là a certains phénomènes, comme les pyramides émettent des ondes de forme, ils vont surtout transformer une onde de forme solaire en onde de forme, qui va être momificatrice. Alors, ce qui fait qu'il y a un individu qui change de milieu géologique, ou géographique, va avoir aussi des changements dans sa perception du vital, puis évidemment, dépendant de son état psychologique par rapport aux événements qu'il vit, s'il est moins sécurisé parce que les pancartes sont écrites dans une autre langue, par exemple, et dans un autre pays, bien, il va souffrir beaucoup plus les transformations d'énergie vitale que s'il y a une psychologie qui est plus forte. Et si le mental domine tout ça, tu ne subiras rien, il va y avoir un changement, une harmonisation immédiate qui va se faire, un schéma d'équilibre qui va se faire par rapport à ce que tu perçois et à ce que tu as, ce qui fait que tu ne seras pas malade, tu ne seras pas déprimé, tu n'auras rien. Mais c'est évident que quand tu changes de région géographique, tu changes en même temps de forme d'énergie vitale. Qu'est-ce que le double éthérique? Merci, Lucie. Bon, ça, j'ai déjà expliqué ça, ça. Longtemps pour ça. Alors, disons que je ne reviendrai pas trop dessus, là. Il faudrait savoir, essayer de trouver dans quelle conférence que ça va être expliqué. Je pense une conférence du mois. Le double éthérique, c'est... Ben, c'est un terme hein, qui est extrêmement dangereux parce que, premièrement, il n'y a pas de double. Quand moi, j'annonce des nouvelles choses, je prends des termes qui me font plaisir. Alors, un jour, je peux parler, par exemple, à du monde qui ne connaissent pas le double éthérique du double éthérique parce que d'autres personnes l'ont déjà fait. Alors, on essaie de, quand on invente un terme, de prendre le même terme parce que c'est un langage. Mais quand quelqu'un connaît ces termes-là, ces terminologies-là, ben là, c'est le temps de détruire la terminologie pour qu'ils finissent à un moment donné par comprendre la forme qui était sous-jacente à la terminologie. Le double éthérique, premièrement, disons que tout à l'heure, je parlais du corps éthérique qui était le corps vital. Dans l'ancienne tradition ésotérique, et depuis une dizaine d'années au Québec, l'éthérique est devenu le corps supramental ou une forme d'énergie du moins supérieure au mental. Alors, le double éthérique, c'est pas le double astral, c'est pas une division non plus. Comme le double astral n'existe pas, par contre, il y a une extra-conscientisation de l'énergie astrale. Disons qu'à un moment donné, l'individu va arriver à un état où il va pouvoir travailler sur deux plans. Il va pouvoir travailler sur le plan physique et sur le plan psychologique. Ça a l'air stupide de laisser tomber le plan vital pour l'instant, mais l'individu travaille de même. Pourquoi? Parce que dans le plan physique, il y a une évolution jusqu'à une espèce d'identification physique. L'individu sait qu'il a un corps physique, il sait que c'est un gars, il sait que c'est une fille. Mais le vital, son évolution arrête à la croissance. Et au niveau psychologique, ben, l'ego de l'homme arrive à une phase d'identification, donc qui dépasse l'évolution du corps physique. Parce que dans l'évolution humaine, la psychologie astrale est la plus évoluée. Quand je parle évoluée, c'est la plus avancée en termes de taux vibratoire. Le mental commence à prendre le dessus, mais il n'est pas identifié pour la majorité des individus, il n'est pas personnalisé pour presque personne, puis il n'est pas contrôlé pour personne. Alors, ce qui va arriver, c'est que, le moment donné, le double éthérique, c'est quoi? C'est que, dans votre phénomène astral, quand vous allez arriver à pouvoir contrôler comme il faut l'astral, vous allez être capable de travailler dans votre plan physique, et la nuit, ou même réveillé, sur un plan astral, pour transformer certaines mémoires qui sont permises, donc que certains individus peuvent avoir accès. Donc, pour empêcher, par exemple, une personne de tuer quelqu'un, on peut aller dans l'astral et transformer son schéma astral, donc ses mémoires, donc sa manipulation, donc on le manipule. Alors, il va arriver un moment donné où est-ce qu'on va travailler dans deux endroits différents, dans un endroit physique, dans un endroit astral. Si on continue notre schéma d'évolution, on va arriver aussi à pouvoir travailler dans le schéma vital, dans le schéma mental et dans un autre schéma qui serait donc, disons, supramental ou mental supérieur ou éthérique, et on va être capable de vivre sur deux plans. Mais là, on parle de deux plans. En réalité, on est rendu à un cinquième plan. Mais il faut bien comprendre que dans les plans planétaires humains, hein, le plan relié à la planète, le plan planétaire, on a l'énergie vitale, l'énergie physique, l'énergie vitale, astrale et mentale, et que si on va chercher une énergie supérieure au plan mental, on arrive donc à capter une énergie qui va être extraterrestre, donc une énergie d'un autre ordre. Alors, ce qui fait que l'individu qui est capable, à un moment donné, de travailler sous les quatre sous-plans, disons, de l'évolution solaire du système, cet individu-là va avoir une quadrilocation, c'est-à-dire qu'il va devoir travailler dans le plan physique, dans le plan vital, dans le plan astral ou émotif, ou mémoriel, et dans le plan mental. L'individu qui en arrive là, rentre en contact, évidemment, avec une énergie extraterrestre, donc une énergie supramentale, énergie qui n'est pas présentement générée par la planète Terre, donc qui nous arrive d'ailleurs. Le mental est généré par la planète Terre, l'astral est généré par la planète Terre, le vital et le physique aussi. Quand on en arrive à pouvoir entrer en contact avec une énergie extraterrestre, donc une énergie de type supérieur au mental, une énergie non générée par la planète Terre, ben on finit lentement par faire la même chose, on finit par avoir une conscience extraterrestre, donc une conscience supramentale, et de ce fait, lentement, on commence à entreprendre un travail dans ce plan-là. Et si on divise le plan planétaire, mental, astral, vital et physique, par rapport au plan qui n'est pas planétaire, donc au plan extraterrestre, et la première forme d'énergie de ce plan-là, l'énergie supramentale, mais il y a d'autres formes d'énergie supérieures à ça. Alors, on peut donc dire que quand on en arrive à pouvoir travailler dans le plan planétaire et dans le plan extraterrestre, extraplanétaire, de notre quadrilocation, on tombe dans une bilocation, c'est-à-dire que on n'a pas fusionné nos quatre plans inférieurs, les plans planétaires. Par contre, notre conscience travaille équitablement sur ces quatre plans-là sans faire de dissociation. Par contre, on fait une dissociation entre le plan planétaire et le plan extraplanétaire. De ce fait, de notre quadrilocation, on passe à une bilocation. Donc, on est localisé dans deux endroits différents, un endroit planétaire et un endroit extraplanétaire. Le double éthérique serait donc la forme, disons, de langage qu'on peut employer pour désigner la conscience extraterrestre par rapport à la conscience physique. Disons donc que le double éthérique double quoi? Il est le double de quoi? Bien, il est le double d'une quadrilocation harmonieuse planétaire. Donc, c'est le double du travail fait par l'être humain dans les quatre plans planétaires. Et mais ce n'est pas un double dans le sens physique. C'est-à-dire que vous faites un travail harmonieux ici, dans des plans, et vous allez faire le même travail, ou un travail similaire, disons pas le même travail, mais un travail pareil, dans un autre plan qui est un plan extraplanétaire. Alors, ce qui fait que ça, c'est le double, mais en termes d'explication, vous avez une parcelle de vous qui est planétaire, et un double qui est extraplanétaire, qui travaille dans une conscience supramentale. Le double éthérique, double supramental, double extraplanétaire, c'est ça. C'est pas un double formel, donc en termes de forme, mais ça équivaudrait en termes de langage à un duplicateur de votre énergie complète quadrilocalisée sur la Terre. Alors, vous êtes bilocalisé dans le domaine extraplanétaire. Extra-mental inférieur, donc mental allant descendant. Est-ce que l'homme, avec l'évolution dont il passe à travers présentement, n'est pas en train de descendre cette énergie extraterrestre pour la rendre terrestre? Exactement. C'est déjà commencé. C'est commencé. Elle est toujours extraterrestre. Un jour, elle va être rayonnée par la planète Terre, elle sera plus extraterrestre par la planète Terre. Mais pour l'instant, elle n'est qu'extraterrestre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas générée par la masse planétaire, elle n'est pas générée par la psychologie astrale planétaire, elle n'est pas comprise, donc elle n'est pas générée par le mental planétaire, elle est perçue et elle vient de l'extérieur. Et ça, c'est ce qui donne simplement qu'on a quatre plans bas et trois plans, disons, pour faire chiffre 7, parce que c'est plaisant dans notre ésotérisme traditionnel, mais on a effectivement quatre plans inférieurs, là, mais ces plans-là, par rapport aux plans extérieurs, ça devient des plans planétaires et les autres des plans extraplanétaires parce qu'ils ne sont pas générés par la planète Terre. Mais ici, on va finir par le générer, ça va de soi. Ici, je pense que tu as répondu tantôt, Daniel, mais je vais reposer la question. Là. Pourrais-tu reparler des chakras et de leur rôle? Bon, disons que, à la première question, oui. Le rôle, peut-être. Que... La deuxième question, le rôle. C'est des rôles qui sont très, très, très, pas pour dire religieux, ils ont un effet évident dans le développement de l'être humain. Mais c'est pas parce que tu développes tel chakra que tu as le résultat que le chakra va t'amener. Bon. Si on regarde, par exemple, le chakra de la base de l'épine dorsale qui va être l'éveil de la conscience, c'est-à-dire que le début de la focalisation d'énergie vitale, donc automatiquement la possibilité à un moment donné d'avoir accès à une dose forte d'énergie vitale, parce que l'énergie vitale c'est la vie. Première chose que tu fais avec une dose forte d'énergie vitale, t'engendre la vie, donc ça va développer au niveau endocrinien les glandes sexuelles de l'homme. Mais ce qui va arriver, c'est que l'éveil de la conscience, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ça va, par l'accumulation d'un taux énergétique, ça fait comme un soleil, plus il y a d'énergie dans un endroit, plus cette énergie-là entre en corrélation et plus son rythme vibratoire va augmenter. Dans l'énergie vitale, il y a évidemment différentes sortes d'énergie vitale. Il y en a deux sortes, une tellurique et une solaire, mais il y a aussi différents taux vibratoires d'énergie vitale, comme il y a différents taux vibratoires d'énergie mentale. Tout à l'heure, je vous parlais de l'intellect qui serait le mental naissant et le mental qui n'est pas de l'intellect, mais qui n'est pas du supramental non plus. Alors, il y a différentes formes d'énergie vibratoire dans chacun de ces plans-là. L'énergie vitale lui-même, l'éveil de la conscience au niveau humain, donc au niveau de la reproduction sexuée, ça s'est fait au niveau de la quatrième race mère, fin quatrième race mère, début cinquième race mère. Et présentement, bien évidemment, nous autres, on procrée comme ça, parce que par avant ça, il y avait des procréations qui se faisaient par division cellulaire, un peu comme nos cellules, par transpiration, par génération, par hermaphrodisme, c'est-à-dire que l'individu était bisexué, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de sexualité, par contre, il était capable d'engendrer. Par après, on a eu une forme qui était ovovivipare, c'est-à-dire que l'individu avait pondé des œufs, c'est-à-dire qu'il gardait l'être biologique qui, à un moment donné, a fini par pouvoir accepter une forme d'énergie qui a donné l'homme, formait un œuf, mais ne pondait pas l'œuf, c'est-à-dire que quand l'œuf sortait, il arrivait à éclosion immédiatement et on avait une reproduction. On appelle ça ovovivipare. On a encore certaines formes de serpents, d'ailleurs, qui se reproduisent comme ça. Et puis, à un moment donné, la race, la forme est arrivée à une reproduction ovipare, pondait un œuf. Puis, à un moment donné, on est arrivé à une reproduction où il n'y avait plus d'œuf, il n'y a plus rien. Et puis, une reproduction comme on a là, c'était l'éveil de la conscience. L'homme en est arrivé, justement, un peu avant les adamiques, à pouvoir avoir une conscience éveillée. Si on parle de chacun des chakras, alors on a un chakra, celui qui va suivre, par exemple, qui va être une espèce de conscientisation de sensibilité dans l'homme. Alors, on va avoir le deuxième chakra, qui est un petit peu supérieur à la rate en termes d'énergie vitale. Et puis, je ne vais pas trop revenir dessus, parce que de toute façon, on a un cours complet où on va aller jouer dans le niveau des systèmes endocriniens par rapport à ça, BMC 8 ou 9. Mais si on regarde juste ces centres d'énergie-là, on a un chakra qui va être mémoriel, on a un chakra, par exemple, qui va amener la clairaudience. S'il est développé, ça va être le chakra de la gorge, il va aussi amener la parole, mais il va amener la clairaudience. Clairaudience qui veut dire qu'on entend des choses qui vont être supérieures à ce que normalement le monde entend. Donc, tu vas avoir des voix qui vont te parler dans ta tête. Parler comme tout le monde, là. Alors ça, c'est la clairaudience qui va automatiquement permettre la parole facile, la parole juste, parce que ce qui rentre peut sortir immédiatement s'il n'est pas astralisé. Et si on continue, on parle par exemple du troisième œil qui va normalement amener la clairvoyance. Clairvoyance ne veut pas dire prévoir l'avenir, veut surtout dire être prescient. Être prescient, c'est le rapport au mental. C'est pas une prévoyance, c'est une prescience, c'est-à-dire qu'on peut savoir qui va arriver, parce que c'est logique que ça arrive, et non pas une prévoyance qui va être d'ordre astral. Et si on monte au dernier chakra de l'homme, donc le septième, qui va être une conscience pas totale, mais une conscience continuelle. Alors, quand ce chakra-là, normalement, est développé, l'homme n'a plus de période d'involution, l'homme ne fait plus des hauts et des bas, l'homme devrait rester au moins continuel, stable dans sa conscience. Maintenant, oui? Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là à l'homme lorsqu'il meurt, par exemple? Bon, si l'homme a ces chakras-là tout développés au complet et que l'homme meurt, l'homme meurt. Voilà. Qu'est-ce qui arrive avec son corps physique? Ah, il va pourrir. Il va sentir pas bon. Puis tout ça. Mais pourquoi? Pour la simple raison que ces chakras-là étant développés, c'est le corps vital qui est développé. Mais leur correspondance physique n'a pas nécessairement eu le temps de se développer. Et surtout, il faut voir qui a généré, quelle est la forme d'énergie qui a généré le travail de l'homme pour ouvrir, pour forcer ces chakras-là, ces centres d'énergie-là, à, disons, à rayonner. Alors, si c'est un travail généré par l'astral, par la psychologie, donc par le désir de ressembler à quelqu'un, par le désir de se rassurer, désir inconscient, par le désir d'apprendre, etc., ben le centre vital évolue. Mais la vitalité qui est chaque chakra, qui va rester là, elle ne reste que là. Donc, le corps va continuer à vieillir. À un moment donné, le corps peut perdre de son vieillissement, mais seulement si l'égoïque, donc l'ego de l'homme, arrive à être subliminé par le vital, c'est-à-dire que son schéma vibratoire va arrêter de puiser dans l'énergie vitale pour pouvoir se nourrir, c'est une nourriture extra-spirituelle, c'est-à-dire que c'est une nourriture qui peut faire partie de l'astral spirituel, de l'astral supramental même, c'est-à-dire que c'est un mémoriel, c'est pas une nourriture véridique, c'est une mémoire de nourriture. Si l'astral arrive à arrêter de puiser dedans, donc le mental peut se développer, l'individu, par cette technique-là, peut arriver à disparaître avec son corps. Très, très, très, très rare. T'as Pantarali qui a fait ça. C'était à peu près le seul qui a réussi à subliminer ses corps, donc à se rapprocher de la fusion par une technique qui ne faisait que développer l'énergie vitale focalisée dans des centres d'énergie. Alors, si on regarde, par exemple, d'autres individus comme Aurobindo, comme il y en a plusieurs autres, qui, par certaines techniques, sont arrivés à remplir leurs énergies vitales, à cette époque-là, c'était nécessaire, parce que l'homme ne l'avait pas par sa génétique, de par sa naissance. L'homme, ces individus-là sont arrivés à focaliser ça. Par après, ils ont compris, et c'est parce que leur ego était déjà assez faible, et là, ils ont compris qu'il fallait, une fois que ça est fait, libérer ces énergies-là, qui étaient maintenant à tous les stages d'évolution de l'homme. Et les libérants, ils ont fait ce qu'à un moment donné, l'homme du Verseau va devoir refaire. Ils sont redevenus un enfant. Donc, ils n'ont pas eu besoin de s'abstenir d'avoir des relations sexuelles. Ils n'en avaient pas parce qu'ils n'en avaient pas. Un enfant n'est pas chaste. Un enfant s'en fout comme l'an 40. Parce qu'il n'y a pas de dualité. Bon, exactement. Alors, l'enfant s'en balance. Alors, tu redeviens un enfant à un moment donné, dans le sens énergétique du terme, et ça occasionne un paquet de phénomènes comme des guérisons instantanées à l'extérieur, parce que l'énergie vitale oblige l'énergie vitale extérieure à vibrer de la même manière. Ça donne plusieurs phénomènes. Mais justement, dans le cas d'Aurobindo, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il utilisait ces énergies-là pour créer un monde nouveau, parce que Aurobindo pouvait se servir de ces énergies pour flotter dans l'air, s'il voulait. Mais il ne le faisait pas parce que, justement, il voyait qu'il y avait de l'autre supramental. Il était déjà délocalisé de façon en ce qui concerne une conscience extraplanétaire ou supramentale, débutante avec une conscience planétaire terminante. Mais si on regarde encore juste ces centres d'énergie-là, ben c'est ça. Leur utilité, ben elles se doivent de... À un moment donné, c'est des centres d'énergie qui doivent être pleins. Pleins, mais pleins au complet, totalement pleins, pour, après ça, libérer l'énergie dans l'homme. Alors, ce qui se donne exactement comme si vous avez... Moi, je prends un verre d'eau, puis je vous arrose. Puis après avoir vous arrosé, je remplis mon verre d'eau à un robinet, puis je vous arrose. Puis je remplis mon verre d'eau à un robinet, puis je vous arrose. Vous êtes là avec une barre d'ivoire, vous essayez de vous laver. Alors, c'est extrêmement compliqué, ça va être long en tabarouette, puis vous ne serez jamais bien lavé. Par contre, si je réussis à prendre mon verre d'eau, accumuler ça dans une cruche, prends mon verre d'eau, dans une cruche, je vous lave plus, je suis d'accord. Mais quand ma cruche est pleine, puis que j'ai 7 cruches de pleine, puis que je prends mes cruches, puis que là, je vous lâche mes cruches, là, vous allez pouvoir vous laver. Alors, c'est exactement ce qui se passe au niveau de l'énergie chakrique, c'est-à-dire des centres d'énergie, ce sont des centres d'énergie, donc des centres où on focalise une forme d'énergie pour pouvoir permettre, l'énergie rentre à un certain niveau dépendant des canalisations énergétiques, donc de leur capacité à recevoir l'énergie. Alors, ce qui fait que l'énergie ne peut pas être, l'énergie qui rentre n'est pas suffisante pour permettre à l'homme d'élever son taux vibratoire d'une façon radicale. Alors, on doit donc canaliser et concentrer ces énergies-là dans des réservoirs naturels vitales, donc on appelle ça centre d'énergie, dans des réservoirs énergétiques. Et quand tout ça est fait, ben normalement, on devrait être rendu à une étape évolutive où on peut libérer en même temps tous ces schémas énergétiques-là, et ça, ça va hausser le taux vibratoire de l'homme d'une façon inconditionnelle. Mais on n'en arrive pas là. Sans maganer la coque. Sans rien maganer, parce que c'est naturel. Alors, c'est leur utilité. Mais il n'y a pas d'utilité de développer le troisième œil plus qu'un autre pour pouvoir être clairvoyant, voir les auras, dire, tu vas voir un film, tu vas voir un aura, c'est pareil. Et surtout que l'aura d'un autre, tu la vois toujours au travers la tienne, ce qui fait qu'avant que tu puisses discerner les couleurs de l'autre des tiennes toi-même, ben, il va dire, franchement, tu risques d'interpréter faussement souvent en tabarouette ce que tu vas voir. Alors, l'homme n'étant pas prêt, et l'aura de l'homme disparaît quand ses mémoires disparaissent. Donc là, tu as vraiment une extra-lucidité lucide, c'est-à-dire que ce que tu vois d'autrui est autrui, parce qu'il n'y a plus de miroir, il n'y a plus de voile en avant. Donc, tu n'as plus de mémoire, donc tu n'as plus de désir de voir l'aura, puis tu t'en fous de la voir. Tu n'as pas le désir de voir le mur, mais le mur, il est là. Parfait. Alors là, le mur ne vient pas t'achaler, tu le trouves ni beau ni laid. Si tu as le désir d'observer, tu peux trouver beau ou laid. Tu rentres dans des problèmes. Alors, ce qui fait que le rôle réel, pas le rôle spirituel, qui est de développer la conscience divine, la clairvoyance, la clairaudience, la clairsensibilité, etc., ça, c'est un rôle spirituel et inadéquat. C'est vraiment une explication qui était bonne pour l'époque pour promouvoir ces formes d'enseignement-là. Mais aujourd'hui, ces centres d'énergie, leur réelle réalité, leur réelle utilité, c'est simplement des réservoirs naturels comme la rate, le foie en son, comme les sinus caverneux du cerveau en son, qui sont des réservoirs naturels du sang. Alors, au niveau des réservoirs naturels d'énergie, bon, là, en l'occurrence, c'est cette centre d'énergie-là. C'est leur utilité. À quel lieu se retrouve notre conscience après la mort et que fait-elle, Larry? Alors, Larry, je pense que, je le dis souvent, on me pose souvent cette question-là. Je crois que la meilleure chose à faire, ce serait d'écouter la conférence que j'ai faite qui est intitulée « La réincarnation ». On explique à peu près tout ce qui a rapport à, justement, à la localisation des parcelles de l'individu après sa mort, de l'état purgatoriel dans lequel certaines parcelles de sa psychologie astrale vont passer, de la densification, puis après ça, de la subtilisation des phénomènes astrales pour permettre au mental de faire certaines choses. Je crois que la meilleure chose à faire serait de réécouter ça parce que ce serait trop long à expliquer vu que ça l'a déjà été fait. Les psychanalystes disent que nous avons un conscient et un subconscient. Quelle est la définition de ces deux mots en ésotérisme? Merci Yves. Bon, alors Yves, le subconscient ésotérique, c'est tout ce qui est conscient mais que tu n'as pas à ta conscience. Et le conscient ésotérique, c'est tout ce qui est inconscient, donc tout ce qui est conscient, et que tu as à ta conscience. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde a une mémoire, tout le monde a la même mémoire, mais tout le monde n'a pas la même faculté de pouvoir puiser dans sa mémoire. Alors, ce qui va arriver, c'est que moi, je me rappelle parfaitement que quand j'avais deux mois, j'étais dans une espèce de poussette, puis j'étais dans Montebello chez mon grand-père, puis je me rappelle avoir vu des choses. Mais ça, est-ce que ça fait partie de mon inconscient ou de mon conscient? Bien, ça fait partie de mon inconscient conscient, donc de mon conscient. Mais si toi, à l'âge de deux mois, tu ne te rappelles pas ça, bien, c'est mémorisé aussi, mais toi, tu n'as pas la faculté d'aller fouiller là. Alors, on appelle ça l'inconscient. Alors, ésotériquement parlant, l'inconscient est toute ta mémoire que tu n'as pas à ta conscience, et le conscient est toute ta mémoire qui est à ta conscience. Si je te dis le mot abeille, ce qui était inconscient en toi est devenu conscient. Tu as l'abeille, tu peux t'imaginer une abeille. Mais avant qu'on en parle, c'est inconscient en toi. Et tout, si tu vas plus loin que ça, tous les phénomènes mémoriels avec lesquels tu ne peux pas traiter, mais qui peuvent te manipuler, parce que l'astral, c'est la mémoire, et ça peut manipuler tout ton système endocrinien, ça peut te donner des allergies, par exemple, ça peut te donner différents phénomènes. Alors, si ça, tu n'as pas consciemment connaissance de ça, on appelle ça en psychologie l'inconscient. Mais l'inconscient reste toujours toute ta mémoire qui n'est pas ton conscient. Ésotériquement parlant, il n'y a pas d'inconscient et de conscient, il n'y a qu'un astral, une mémoire. Ça ne pourra pas être la porte de ça? La porte de quoi? Du plan astral. Quoi? L'inconscient. Je te suis pas. Le subconscient. Non, le subconscient, c'est pas la porte. Mais si tu l'ouvres pas, tu peux pas y avoir accès. Wow, ça dépend simplement de ce qu'on veut placer les termes, là, mais comme tel, le subconscient définit toute cette mémoire-là. Tu peux aussi dire que c'est la porte, mais en réalité, il n'y a pas de porte. C'est simplement une technique mentale, une programmation mentale et astrale au niveau mental, parce que le mental, là, ça parcelle mémoriel, il y a une astralité mentale. C'est simplement cette programmation-là qui est inadéquate pour te permettre de fouiller dans certains tiroirs. Alors, il y a des contacts que toi, tu as, tu emmagasines un phénomène, tu le places dans un tiroir mémoriel, mais tu n'as que la possibilité de voyager ton énergie dans un sens, pas dans l'autre. Alors, ce qui fait que tu vois des choses, tu les mémorises. Tu n'es pas capable de t'en rappeler parce que tu n'es pas capable d'avoir un contact inverse avec ton tiroir. Par contre, tu as une programmation qui, pour d'autres phénomènes, vont ailleurs, où là, oui, il y a un retour énergétique. C'est-à-dire que ta programmation fait que tu peux non seulement en mettre, mais tu peux aller fouiller. Et il y a une autre programmation qui fait que certains genres de choses, tu les places et tu ne peux pas aller fouiller dedans. La porte, c'est quoi? Bien, la porte, c'est simplement une reprogrammation, donc un apprentissage à avoir de la mémoire, c'est-à-dire un apprentissage à bâtir une canalisation d'énergie où tu vas pouvoir aller fouiller dans tous les tiroirs que tu as, donc connaître tes racines. Puis évidemment, ben c'est... Il y a deux techniques. Tu perds complètement la mémoire en gardant ton mental. Parfait, tu arrives à te libérer, mais présentement, si tu perds ta mémoire, tu n'as plus de mental non plus. L'autre technique, c'est de connaître la mémoire de A à Z par le mental pour arriver après ça à pouvoir la maîtriser. Alors, ce qui fait que présentement, la technique réellement possible à l'homme, c'est pas la destruction des mémoires, c'est simplement la connaissance de ses mémoires totalement. Alors, ce qui fait que la mémoire vient plus te manipuler, tu t'en vois venir. L'énergie que l'on sent descendre ne serait-elle pas notre propre énergie provenant des cellules du cerveau plutôt qu'une énergie extérieure? Car tout provient de l'intérieur, Sylvie. Bon, tout provient de l'intérieur, ça c'est un concept. Ce n'est pas une chose qui peut être réellement vérifiable par aucun individu ici présent. Alors, ce qui fait que tout provient de l'intérieur, disons, il faut faire attention. Ça peut être totalement vrai. Ça peut être totalement faux avec. On ne peut pas partir avec un concept comme base pour bâtir quelque chose, parce que quand la base change, tout ce qu'on a bâti, c'est fou, s'écroule avec. Juste un petit détail. Maintenant, c'est évident que l'énergie que l'on ressent en nous, c'est une énergie qui vient du cerveau. C'est totalement vrai. Alors, c'est quand même bien. La seule chose qu'il y a, c'est que cette énergie-là, elle est engendrée par une mutation cérébrale qui, elle, est causée par une énergie extérieure à l'homme. Mais l'énergie extérieure à l'homme ne peut pas être sentie par l'homme. Par contre, l'homme en sent que les résultats, donc l'énergie qui circule dans l'homme, tout d'un coup qui vous bousille ou bien non, qui vous fait mal, c'est une énergie qui est typiquement mentale, cérébrale, mais elle a été générée par une transformation, donc par une mutation cérébrale, hein, qui va opérer une mutation psychologique par après. Alors, effectivement, ce que l'homme perçoit, c'est typiquement relié à l'homme. Mais ces nouvelles perceptions-là sont permises par une transformation qui est opérée par l'énergie qui est extérieure à l'homme. Voudrais-tu expliquer le travail de l'énergie qui monte dans notre corps par rapport de celle qui descend dans notre corps? Merci, Sylvie. Ah, ben ouais, Sylvie. Quand tu te passes le micro. Bon, le travail qui va être opéré par l'énergie ascendante, donc l'énergie qui monte, c'est un travail d'évolution d'énergie. Et le travail qui va être opéré par l'énergie descendante, donc celle qui descend par rapport, évidemment, à celle qui monte, c'est un travail qui va être involutif par rapport à cette énergie-là. Alors, l'énergie qui descend, c'est une énergie qui doit baisser son taux vibratoire pour pouvoir se relier à une énergie ascendante, l'énergie qui monte son taux vibratoire. Les deux pouvant entrer en contact à un moment donné, bien, il va se passer une chose, c'est l'énergie la plus puissante, ou encore l'énergie qui a une focalisation la plus grande, donc le réservoir le plus gros, va obliger le réservoir plus faible à augmenter son taux vibratoire. Donc l'énergie descendante, qui est donc en phase d'évolution, va permettre à l'énergie évoluante, ascendante, d'évoluer plus rapidement. L'énergie même au niveau de la matière physique, l'énergie au niveau de l'homme, l'énergie qui monte, c'est une énergie qui bâtit l'homme. C'est-à-dire que dans les hommes des cavernes, au niveau de leur cerveau, disons à partir d'une certaine forme de l'australopithèque, par exemple, aller en montant, si on regarde juste ces formes cérébrales-là, ces hommes-là avaient dans leur boîte crânienne un cerveau d'un certain volume, et dans ce cerveau-là existaient déjà les endroits d'interprétation du langage écrit, de l'interprétation du langage parlé, etc., et les endroits avec pour pouvoir synthétiser ce langage-là. Et même si cet homme-là ne savait ni écrire ni parler, dans son cerveau existaient déjà des formes, justement, de neurones qui serviraient plus tard à ça. Présentement, on a un cerveau immense, et juste le cortex cérébral, c'est-à-dire juste la couche périphérique, entre autres, sert. Tout le reste, à l'interne, ne sert à peu près à rien chez l'homme. Il y a certaines parties qui servent à des choses, mais la majorité des neurones, des milliards de neurones, ne servent qu'à mourir. Hein, parce qu'on en perd régulièrement tous les jours. Ces endroits-là, elles servent à quelque chose, mais présentement, l'homme, vibratoirement parlant, n'est pas rendu assez élevé pour pouvoir faire quelque chose avec ça. Alors, si on retourne en arrière à l'époque de nos australopithèques, ces formes d'énergie-là étant développées ont simplement permis à ces neurones-là de pouvoir réussir à émettre des formes d'énergie électrique. Donc, on pourrait dire à réveiller ces parcelles du cerveau-là. L'énergie qui descend, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire la même chose. Mais la seule chose qu'il y a, c'est que pour que l'énergie descende, il doit y avoir un aimant. Un aimant, c'est quoi? C'est quelque chose qui attire, mais qui est d'ordre vibratoire similaire à ce qu'elle va attirer. Ça, on appelle ça l'amour en ésotérisme. L'amour total, évidemment, pas un amour qui décide, puis qui aime, puis qui n'aime pas. Un amour qui attire. Bon. Alors, ce qui va arriver, c'est que l'énergie de la Terre, parce que c'est la planète Terre qui évolue, c'est pas l'homme. C'est la planète Terre qui évolue surtout. Alors, cette énergie-là doit, par les antennes humaines, réussir à bâtir une antenne suffisamment évoluée pour permettre à l'énergie supérieure, donc, on parle supérieure en vibration toujours, à cette énergie-là extraterrestre, extraplanétaire, donc qui n'est pas générée par la planète Terre, alors elle doit permettre la construction d'antennes pour pouvoir attirer cette énergie-là. Le travail des deux se fait pareil, mais il y en a une qui est en phase évolutive, l'homme, et une qui est en phase involutive, l'énergie qui va descendre pour après ça faire évoluer l'homme. C'est-à-dire que l'énergie descend, augmente le taux vibratoire de la parcelle évolutive, jusqu'à temps que toute l'énergie soit au même niveau d'évolution, là où la fusion est permise. Parce que tout est similaire. Alors, le travail se fait de la même façon, mais présentement, il y a une parcelle d'involution et une parcelle d'évolution. Puis si on regarde, évidemment, globalement, bien, tout ça est en schéma évolutif. Que fait-on pour être prêt pour recevoir le maximum d'énergie lors de la future descente d'énergie, Larry? Que fait-on, c'est dangereux, parce que voulons-nous faire? Ben, on ne devrait rien vouloir faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va se préparer. Que fait-on pour être prêt? Faut être prêt pour être prêt. Alors, c'est ça qui est le gros problème, c'est que dans le langage, il y a un moment donné où ce qu'on n'a plus de mots intelligents pour pouvoir réellement expliquer un phénomène. Je peux l'expliquer, mais ça risque d'être bien mal compris. Par contre, ouais, c'est réellement complexe. Je vais vous donner un exemple de ce que c'est qu'un langage qui peut être mal compris. Je peux vous expliquer c'est quoi d'être prêt, puis vous pouvez penser à partir de l'explication que vous êtes prêt, sans jamais être prêt. Donc, expliquer comment arriver à être prêt pourrait être vous empêcher de faire le travail pour arriver à être prêt. Une autre forme de manière, si je vous dis simplement que pour arriver à être prêt, Mais il y a par exemple un cours qu'on donne ici, qui est le PMC, qui est juste bâti pour ça. Ça, ça va simplement donner le feeling que premièrement, on veut vendre notre cours, et que deuxièmement, il n'y a pas d'autre moyen ailleurs que ce cours-là d'y arriver, ce qui est totalement faux. Parce qu'il y a évidemment un immense paquet de moyens pour arriver sans ce maudit cours-là, à arriver là. Bon. Être prêt, c'est quoi? Ben c'est ça. C'est que si on le donne par initiation, c'est-à-dire que si vous vivez le phénomène d'être prêt, ça c'est un cours, c'est une initiation, c'est un événement, c'est plus une conférence, c'est plus des paroles. Si on l'explique à un individu qui est prêt à le comprendre, parfait. Mais encore là, l'individu, il faut qu'il soit prêt à le comprendre. Et être prêt à le comprendre, c'est quoi? Ben c'est ça qui est le maudit problème, on va expliquer c'est quoi être prêt. Alors comment vous expliquer si vous êtes prêt ou pas prêt à comprendre, comment savoir c'est quoi être prêt? Alors, ce qui fait que... Oui? Est-ce que, Daniel, se prédisposer à faire une vie impersonnelle pourrait être une bonne façon d'être prêt, de se préparer? Oui et non. Comme être n'importe quoi. Faites n'importe quoi, c'est un mot du bon moyen pour arriver à être prêt. Vous pouvez vous faire fourrer royalement avec. Être impersonnel, c'est quoi? Est-ce que ça veut dire laisser notre personnalité à la parcelle astrale manipulatrice spirituelle qui veut être notre maître? Non. Ça peut être sans crime, par exemple. Oui, mais moi, ce que j'entends par impersonnel, c'est de laisser l'ego, c'est-à-dire que l'ego n'ait pas d'influence sur la personnalité. Mais comment que toi, tu vas être capable de savoir que c'est pas une parcelle hyper spirituellement élevée de l'ego qui veut étouffer le reste de l'ego? C'est ça le problème. Ce que tu dis est vrai. Mais est vrai pour qui? Pour celui qui le vit. Oui, mais c'est pas enseignable à personne. C'est pas enseignable à celui qui le vit pas. C'est ça qui est le gros problème. Oui, faut que tu aies des problèmes d'ego à un moment donné puis que tu en souffres pour savoir ce que c'est. Exactement. Comment faire pour ne plus souffrir? Bien, commence par souffrir quand tu vas te rendre compte de l'inutilité de la souffrance. Pas psychologiquement, pas mentalement. Faut que tu vives de quoi pour arriver après ça à voir l'inutilité de la chose. Puis dépendant de tes capacités ou de ton schéma vibratoire, il va falloir que tu le vives plus ou moins longuement pour arriver à le comprendre plus ou moins vitement. Alors, être prêt pour les prochaines descentes d'énergie. Disons que si je donne une explication qui va servir à rien, ben, il faut simplement qu'une personne se nourrisse le plus possible d'énergie vitale, donc mange le moins possible de viande, qui est d'énergie physique sans vitale. Il faut qu'une personne ait une condition physique absolument adéquate sur tous les niveaux. Ah, mais là, on va me dire, ah, mais quand l'énergie descend, si tu n'es pas prête, même si tu fumes ou même si tu n'es pas prêt, ça va transmuter. Oui, c'est vrai que ça transmuterait, mais elle ne descendra pas sur toi si tu n'es pas transmuté pour la recevoir. Si elle serait sur toi, elle transmuterait ça, mais elle ne viendra pas sur toi si tu n'es pas prêt à la recevoir, justement. Alors, c'est ça qui est le gros problème. Tu as une désintoxication qui est nécessaire. Tu as astral, mental, vital et physique. Tu as tellement de phénomènes qui fait que tu ne te casses pas la tête. Toi, tu vas être prêt, puis c'est pas toi qui va déterminer que tu es prêt. La dose d'énergie qui va venir te bouleverser va être la dose d'énergie accessible à ta préparation. Or, ce qui fait que tout le monde va bénéficier des futures descentes d'énergie vers la fin de l'année, mais chacun va en bénéficier selon ce qu'il est prêt. Et vouloir devenir plus prêt, c'est comme à un moment donné, j'ai déjà expliqué, tu vois, disons par exemple que pour l'énergie, quand elle descend dans un canal qui a une forme particulière, par exemple, disons, triangulaire. Mais toi, ça, tu ne le sais pas. Alors, tu veux te préparer, alors tu bâtis une forme carrée, puis tu attends l'énergie. Bien, l'énergie triangulaire va descendre dans ta forme carrée selon la possibilité que la grandeur de ton carré permet au triangle de passer. Alors, si tu fais un grand carré, bien, il y a plus d'énergie qui va rentrer que si tu aurais fait un petit carré. Mais si tu prendrais la même surface de ton carré pour faire un grand triangle, tu aurais 4 fois plus d'énergie qui passerait. Alors, vu que tu ne sais pas de quelle façon l'énergie passe dans l'homme, tu ne peux pas savoir comment il faut faire pour te préparer. Une chose qui est sûre, c'est que être prêt, c'est quelque chose qu'à un moment donné, on va expliquer, mais par l'initiation. Donc, par un vécu, pas par une théorie. La théorie va sous-tendre, évidemment, l'initiation pratique, mais c'est une question qui est extrêmement difficile à répondre. Pas parce que je ne peux pas la répondre, parce qu'elle serait difficilement comprise. Donc, si elle est difficilement comprise, elle est problématique, elle peut nuire. Donc, elle peut freiner l'évolution d'une personne. Un individu va être prêt à en recevoir énormément, il va comprendre bien des choses. Je l'explique comment il faut faire pour être prêt parce qu'il demande, et puis il peut vouloir être prêt, puis il peut carrément diminuer ses possibilités, justement, qu'il avait de capter cette énergie-là. Vous allez être au bon moment, au bon endroit, dans le bon temps, justement, selon votre préparation, puis je pense que ça devrait vous suffire. À un moment donné, ouais, ça devrait vous suffire. Puis ça va laisser des polémiques, mais j'en dis pas plus parce que ces polémiques-là, justement, vont vous guider vers ce que, justement, vous avez besoin parce que vous êtes prêt. Alors, j'en dis pas plus, puis il y en a qui vont être... Là, c'est ça. Oui, puis en plus de ça, il n'y a pas une personne pareille sur Terre. Alors, il n'y a pas une personne qui doit vivre exactement la même chose, qui passe à différentes phases. Alors, les phases sont différentes. On peut peut-être faire des parallèles, mais encore là, c'est très... Exactement. Difficile. Tu viens me demander, est-ce que je devrais suivre ton séminaire? Moi, je te réponds non, absolument jamais. Ça ne vaut pas de la... Bon. Tu viens pareil suivre le séminaire. C'est ça, tu étais prêt. Parce que les bêtises que je t'ai données, si tu n'aurais pas été prêt, tu ne serais pas venu. Hein? Alors, ce qui fait que tu ne donnes pas nécessairement, surtout au niveau de la préparation, qui est d'ordre initiatique. Initiatique ne veut pas dire dans une salle, veut dire la vie, veut dire que ça se vit. Hein? Ça peut être dans un cours, dans un séminaire, dans un accident de char, dans votre travail, c'est quelque chose qui se vit. Une initiation, c'est ça, en termes ésotériques. Alors, ce qui fait qu'il y a des questions comme être prêt, il y a plusieurs choses, justement. Tu veux venir à mon séminaire, moi, j'en vois juste du monde prêt. Je suis prêt, mais mange la marde. S'il est là, il était prêt. T'sais? Pourquoi? Parce qu'égoïquement parlant, il y avait une forme d'évolution qui disait, ah non, ça, il m'a dit ça, mais c'est pas... dire bon, tu sais, alors, à un moment donné, c'est ce qui va arriver. Alors, il y a des choses au niveau de